ay kii nag benn gaañ la quoi, bi yor benn pharmacie. Bon gaañ bi nag moom à chaque fois bi def inventaire mu day constaté ne instant bi nii génn wàll garab yëpp am na benn ginax bu koy cat quoi, te loolu dafa wàññi xaalisam lu bëri. Waaye affaire bi sonal ko mu def le tout pour jàpp ginax gi quoi. Un jour yàlla xewlal ko mu jàpp ginax gi. Gars yi yaakaar ne da koy rey, yaakaar ne da koy dóor, gars yi mu defal loolu quoi. Mu jël ginax gi rek da wax moom si digga tali ubbi gémmiñ ngir commencé di xoos bëñ yi laa la wax ba mais day xoos di xoos ba bëñ yi set 8 ak mu bàyyi ginax gi quoi. Ginax gi dem ginax gi daw ba 1 mètre taxaw ne ko assassin man de xaaral suba si yëpp laay naan